considérer comme un regret le long corridor qui sépare le pont principal du pont d'envol. Et là, les vaisseaux sont catapultés. Peu de temps depuis l'éveil. Olag a revêtu son uniforme. Il semble glacé, froid, comme l'océan noir. Le vaste Mushin au dehors. Toute une série de boutons poussoirs dans une séquence complexe apprise avant même l'endormissement. Une séquence que connaissent tous les enfants en lumière, appris des maîtres lumière pour naviguer jusqu'au sauf lieu dans le vaste Mushin. L'habitacle est parcouru de vibrations assourdies par celles plus importantes, distantes du vaisseau. L'éclairage fluctue à nouveau, papillonne, reflux, éclaire à giorno le cockpit. Plus aucune ombre projetée. Juste le pupitre de bakélite auquel s'accrochent des boutons à bascule, des boutons poussoirs. De la poussière qui s'est accumulée et dans les interstices, comme partout, un duvet de moisissure. Longuement dans le Mushin, favoriser la pousse partout cette odeur écœurante des plus rôdeuses qui envahit l'habitacle, sature les conduits. Avec l'air de recyclage, l'odeur moite de l'équipage, les autres membres qui sont au départ aussi sur le pont d'envol. Chacun s'affaire, initie la séquence. Bientôt, les essaimeurs seront largués. Peut-être serait-ce enfin Zoran. La cible où les essaimeurs devront en pionnier s'implanter et rallier le Skomenik, envoyer le signal de la colonisation. Le signal de la marche. Thank you. avant, toujours en avant de la révolution. Tous n'appartiennent pas comme Oleg à l'organisation du sommet. Il y a des médecins et une myriade d'autres savants au monde, tous plus compliqués les uns que les autres, versés dans des sciences oubliées de la plupart, mais ils n'ont pas tous été éveillés. Seul le corps, les pionniers et les artifices l'ont été. Tout comme les pionniers, les artifices ont pris place en copilote. Dans les biplaces, les essais meurent. Individuel tokamak vibre. Ça va être le départ, l'absence, la chute. Lorsque le vaisseau est catapulté, rares sont ceux qui peuvent garder leur corps dans le temps présent. C'est la matière noire qui y afflue. C'est le contre-coup de l'émission du tokamak. Vaisseaux chutent, disparaissent l'espace d'un instant. Ils ont basculé dans le vide, se sont laissés porter par le vide, puis le tokamak entre en action. La lumière reflue, les planètes alentour, les étoiles disparaissent. Seul est présent l'océan noir dans lequel on plonge. Un vertige, un immense vertige. Les sons organiques affluent à nos tympans. Nous chutons toujours. Une chute qui se prolonge dans la moindre parcelle de notre corps, le moindre atome, la moindre cellule. Car nous convoquons l'océan noir, le tokamak rugit derrière nous. La lumière reflue, afflue. Elle ne reflue pas, elle afflue. Une lumière qui n'est pas celle artificielle des pontons, celle rassurante des cocons disposés dans l'entrepôt, mais dont on a encore le souvenir au réveil. Chacun groggy, enjambant s'emparant de ses vêtements, passant à la douche. La douche qui chasse les vermines emmagasinées dans le cocon, qui nous rend notre statut de pionnier. Et tout ça est bien loin, autour de la brume. Une odeur chaude, l'eau aussi. Des choses qui n'étaient plus présentes. Nous ne sommes plus en vol. Les essaimeurs ont atteint la surface dans un sillon de fumée, de débris. En jugé par les informations dispensées par ce qui reste du tableau de bord. Se sont posés dans un périmètre extrêmement resserré. Posé n'est pas le mot. On chute. Il y a eu un éclair avant la pluie de lumière, un éclair vif qui a grillé les réacteurs tokamak avant la chute inéluctable vers la surface, avant que nos essaimeurs ne s'enlisent totalement dans la boue alentour. Dans une espèce de lac ceinturé d'une jungle dense. L'air à l'aspect de nos vieux films sépia. Nous avons vu dès notre naissance, dès l'âge de raison. Des cris d'oiseaux, on n'en avait pas à bord, juste des insectes. Ça, c'était dans les films. Nous sommes quasiment tous sains et saufs. Nos combinaisons, nos vieilles combinaisons ont l'air d'avoir brûlé dans la chute de nos essaimeurs. mais la ligne est encore présente. Les boutons bascule sont tous rétroéclairés. Tout n'a pas grillé. Nous sommes à la surface. Parviennent à percer la couche nuageuse, l'atmosphère de cette planète nouvelle pour laquelle le monument vous a réveillé, pour laquelle la ruche vous a envoyé. Loin derrière les hautes herbes et la lisière, tu aperçois un objet immense qui barre l'horizon. Un objet qui ferme l'horizon à hauteur d'homme. Qui vient rejoindre jusqu'aux nuages bas et se confondre avec eux. Une grande masse grise sur laquelle poussent par endroits des arbres isolés, des massifs, des végétaux. Aux teintes mauves, plus loin, au-delà des herbes drues et droites comme celles vu dans les films d'antan, ceux d'avant la grande, révolution. Ressemble à une forêt de méduses qui ondule sous le vent. Comme ces méduses vues dans les films, mais qui vivaient dans les eaux La différence près que là, il s'enracine dans le sol et on voit comme l'herbe grasse qui est sur la berge. Les tentacules vibrillonnent dans l'air. Tentacules mauves qui viennent dans le lointain se confondre avec le mur. J'essaie de regarder aux alentours si je vois mes compagnons. Non loin de, du cockpit de ton SMR, tu aperçois Germaine, les yeux dans le vague. Tu vois que son casque sphérique, celui qui assure la sécurité à l'entrée dans l'atmosphère, est embué. Tu sais que c'est elle parce que elle porte l'insigne de commandement sur son épaule. Elle est la navigatrice de l'expédition. Oui. Mais tu ne vois pas son visage tellement le casque est embué. Et tu vois l'eau qui s'engouffre dans son SMR. Il l'a atteint presque la hauteur de ses épaules, il ruisselle à l'intérieur, se déversant un gros bouillon sombre, marron. J'essaie de l'atteindre. Tu peux marcher aisément, quoi que ce soit glissant, il y a des espèces de... Ce que tu as pris pour tout d'abord pour de grandes herbes filandreuses qui seraient portées par... le courant du lac, mais non, ce sont probablement des essences proches de celles que tu as vues dans le lointain. C'est gélatineux, mauve, et ça, lorsque tu poses ton pied et que ta botte glisse sur la matière gluante, celle-ci se rétracte, puis vient saisir ta cheville avidement, serrant fermement ta cheville et la maintenant le long arrimé au museau de ton essaimeur qui s'enfonce tout autant que celui de ton ami. Maintenant, elle en a jusqu'au casque. Je l'appelle. Je crie son nom. Tu n'as plus ton casque, tu cries, mais d'évidence, elle ne peut t'entendre. Il faudrait que tu aies l'intercom et tu te rends compte que tu as perdu tout ce qui faisait ton scaphandre. Il a été en partie arraché. Le casque a dû voler en éclats. Il ne reste rien de ce que tu portais sur ta tête. Tu n'as plus l'équipement radio qui faisait ton... ton équipe, ta tenue de pionnier, tu n'as que une partie, la partie matelassée qui n'a pas été consumée par l'atterrissage en catastrophe de vos SMR. J'essaie de bouger les pieds, enfin j'essaie de que le truc... Enfin, la chose mauve me lâche. Que mauve dis-tu ? Quoi ? Tu y mets les mains ou tu te contentes de le faire de ta jambe ? Bah, j'y mets les mains et... Lorsque tu portes tes mains gantées dessus, tu vois la matière gluante comme ruisseler autour de ta main et... l'engoncer maintenant et la rendre solidaire de ta cheville. Tes mains sont maintenant jointes à ton pied. Tu vois l'eau bientôt engloutir l'ensemble, l'eau sombre, noire. Tu es pris d'une panique fugitive. Tu bandes tous tes muscles et tu tentes de t'arracher à cette matière gélatineuse. Tu entends une voix ténue qui te dit « Don't move !» Ce sont des sables mouvants. Faut pas bouger. Je bouge pas. Tu renonces. Et tu sens l'eau qui monte maintenant jusqu'à tes genoux. Si tu bouges, ça sera pire. Ça s'est engouffré à l'intérieur de ta combinaison. Tu sens l'eau froide gagner tes chairs et ça picote autour de tes genoux. Tu ne vois plus que... Tu flottes dans ta combinaison et tu entends des grésillements de haute fréquence qui te parviennent par l'intercom. La voix à la ruche est indistincte, comme rendue distante ou interrompue par la couche d'atmosphère qui vous sépare désormais. Au-dessus de toi, tu vois de magnifiques nuages comme dans les films. Ce que tu rêvais de sentir passer sur ton visage. Et tu vois de multiples fissures qui lézardent la visière de ton casque de ta conote. Tu es sur ton siège et tu flottes. Il a atterri avec toi, tu es encore ceinturé à celui-ci. Il flotte comme il est prévu, excepté qu'il y a l'un des ballasts qui a l'air d'être crevé et tu es placé sur le dos alors que tu devrais être... Je vais le détacher. Les boucles ont comme fondu. Elles adhèrent à ta combinaison de taïkonote. L'emblème de la révolution qui frappe le plastron est plus qu'un amas comme rouillé, oxydé. Et tu vois une trace très nette de cette vermine, les escargots rouges qui infestent le monument et qui ont dû hâter la phase de réveil. Parce que cet objet n'est pas à la destination. Ou alors... Une odeur très forte qui sature l'habitacle que forme autour de ton visage la visière hermétique de ta combinaison, et tu sens que tu entends un bruit, un cliquetis qui revient, un bruit mécanique. Ton esprit est confus, tu ne sais pas à quoi correspond ce bruit mécanique, mais tu sais que tu l'as entendu répéter maintes et maintes fois. Droite à fond, gauche à fond, droite à fond. Tu entends un moteur antidéluvien qui monte en régime Ça, c'est un des parasites de l'effet lumière noire. Ce sont tes souvenirs qui se télescopent. Tes souvenirs ou ceux du temps d'avant de vos ancêtres. Car vous êtes les enfants de la lumière, ceux destinés à essaimer dans le grand océan noir. Tout ça, c'est confus, mais une odeur très forte que tu ne parviens pas à identifier de façon formelle, mais tu peines à respirer, tes poumons semblent opprimés, et tu entends ce cliquetis. Un moteur qui tournerait à vide. Et toutes les itérations mécaniques du système de survie de ta combinaison qui rugissent autour de toi, qui troublent le signal, tu cherches à l'identifier. Qu'est-ce que ce peut être ? L'air se raréfie. Bien évidemment communiquer. Mais moi je peux pas, j'ai pas mon casque. Tu l'as entendu néanmoins. Oui. J'essaie toujours de me dépêtrer de. Essaye moi. Moi je peux. C'est complètement fondu. Moi je peux pas me détacher, je peux rien faire. Le seul moyen ce serait d'ôter ce qui reste de ailleurs de la combinaison, de la déchirer. De la découper, de découpler les sangles autour. Oui. Avec quoi ? Avec mes mains. C'est conçu pour résister au choc d'un atterrissage forcé. Évidemment, tes mains ne sont d'aucune utilité. En plus, gantées de la sorte. Je peux pas me retirer le gant. Tu ôtes tes gants. Une simple torsion et l'étanchéité de la combinaison est rompue. Et maintenant, j'essaye de m'en sortir avec ta main. Avec ta main, elle parcourt avec frénésie la surface complètement fondue. Non, il n'y a pas de. Le bouton n'est plus accessible, il n'existe plus. Il fait corps avec le reste comme une pièce unique frappée de ce qui reste du signe de la révolution de l'encart de l'organisation révolutionnaire. Il n'y a pas des boutons de contrôle sortir ou... Tu peux peut-être à la base faire sauter les arceaux qui te retiennent. Oui. Depuis la base. C'est ce que j'essaie de faire. Tes doigts, tu arrives jusqu'à la gangue de sécurité et tu sens d'un seul coup la pression se relâcher. Ta poitrine, enfin respirer, tu hume l'air, tu vois l'air s'insinuer par les fissures de ton casque. La visière achève de se fissurer dans un grésillement. Et tu vois des volutes de cet air brumeux au dehors qui rentre à l'intérieur de ton casque. J'essaie de quitter ta combinaison. Oui. De fait, lorsque tu te redresses, le siège bascule, tu te retrouves dans l'eau, mais tu n'es plus retenu que par une sangle, et tu regagnes à la nage après avoir ôté tes bottes, lesté la berge. Essoufflé sans tes bottes, juste le haut de la combinaison encore sur toi. Tu sens que votre navigatrice est à deux doigts de l'asphyxie. Je vais essayer de l'aider. Bah moi je suis bloqué. Évite d'aller sur le même chemin que lui, sinon voilà. Autour de toi, l'eau bouillonne à mesure qu'elle s'engouffre à gros bouillons à l'intérieur de l'habitacle, l'avant de ton essaimeur qui penche dangereusement. Tu es toujours retenu par cette masse gélatineuse qui semble indifférente au courant qui t'aspire, à la succion d'eau et la gravité conjuguée qui semble vouloir te happer dans l'ombre et la boue du fleuve. Est-ce qu'il a des gants ou des bottes? Des gants? Oui. Bah, il retire ses mains et ses bottes! C'est pas ses mains, ses gants. C'était tout débile! Pardon, bah je le fais. Alors il faut exercer une torsion, tes deux mains sont prises. Bah il retire ses gants! Il faut que tu risques ta tête sous l'eau pour appuyer sur les mécanismes qui relâchent. Risque-toi. La jointure. Au pire, si t'as plus d'oxygène, tu lèves la tête, voyons-moi. Et donc, on va voir ton habilité de ta langue et de tes dents à chercher le mécanisme et à déclencher. Ses dents, elles vont marcher jusqu'au mécanisme. Le relâchement nécessaire. Bah, y a 4. Ouais, y a 4. C'est une bien. Ouais, allez. Et tu parviens à. Ouais, faut que t'aies de la chance. En avalant quantité d'eau. Tu es la tête sous l'eau, noyée sous le courant. Ah, d'accord. Non, t'es pas noyée. La chance. Quelle chance. Tu sens l'eau qui s'engouffre dans ta bouche, dans tes narines, qui vient chasser l'air. Tu la sens rentrer au-dedans de toi, infâme, rance. Différente de l'eau, elle vient saturer tes poumons, tes bronches, mais tu sens sous ta dent craquer avec le sable, la boue et quelque chose qui vient emplir ta bouche elle-même, quelque chose de gluant qui s'insinue en toi. Quoi? T'as avalé quelque chose à ton corps défendant. Il a avalé la méduse. Mais. Tu bascules en arrière quand les gants sont relâchés dans le courant. Tu replonges ta main immédiatement pour relâcher également tes deux. Ballast immense, ces deux pieds qui sont maintenus dans la gangue gélatineuse. Tu fais surface alors que tu vois ton essaimeur plonger. Ah bah c'est moi. C'est toi un essaimeur. Ton essaimeur plongé définitivement sous les flots. La tête la première, le fuselage s'enfonce, s'abîme dans l'obscurité. Tu vois grésiller dans une gerbe d'étincelles la tête de ton artifice lorsqu'il sombre dans les eaux brunes. Tu ne vois que... une projection dans le cockpit de sa matière semi-organique qui vient teinter d'un noir bitumeux l'arrière du cockpit lorsqu'il fond littéralement plongé sous les masses d'eau grésillantes, saturées de ce qui reste d'énergie noire qui pulsait dans ton essaimeur, désormais sous les eaux. Tu arrives crachant, épuisé sur la berge, là où tu as aperçu plutôt cette espèce de chien famélique au pelage fauve rayé qui s'est éloigné et qui a disparu. Ça arrive, ce truc. Une maison bien plus noire. Et Carou ? Non plus. On cherche. Tu cherches dans ta banque de données ? Tu cherches dans les souvenirs qui... qui sont contenus dans les enregistrements innombrables de, du monument. La ruche où tout est stocké dans les rayons. Tu l'as vu, tu le vois. On a étudié la disparition de ces chasseurs d'insectes dans les temps de l'effondrement. Il y avait des êtres semblables sur la terre qui connut la création du Spomenik et qui vit l'essor de l'Ankar. Sa suprématie arrachée à la terre avant que ne s'élève votre vaisseau d'espoir et la banque. C'est un protel. Ça chasse des insectes, mais il est immense. Il avait quasiment ta stature. C'est que les insectes doivent être sacrément costauds. Je regarde aux alentours si je le revois. Tu aperçois l'œil jaune, les pupilles jaunes du protel à une trentaine de pas. Dans un de ces buissons ondoyants, il n'a pas l'air gêné par la masse gélatineuse qui s'est refermée sur toi. Il se tient immobile, son museau tourné vers toi, et tu vois sa truffe humer l'air dans ta direction, dans votre direction. Il vous observe attentivement. Moi, je m'approche des autres pour essayer de les libérer. Tu vois à peau ruisselant sur la berge. Derrière, il y a Oleg qui tire de toutes ses forces sur les harnais qui en serrent encore... Le corps de Germaine, son essaimeur, semble décidé à flotter, bien que l'eau ait atteint presque la totalité du cockpit. De façon improbable, il flotte à la surface, ou peut-être, puisqu'il est abîmé plus proche de la berge, est-il retenu par les hauts fonds du lac ? Toujours est-il que l'eau ne monte plus. Aidez-moi! Bah, moi, je m'approche. Hein. Il a perdu... il a ôté sa combinaison. Il porte seulement son uniforme d'apparat que porte tout pionnier. Un costume austère, noir, au plus proche du corps. La casquette vissée sur le haut du crâne. Il est penché sur votre ami, renonce à tirer sur les sangles. Rien. Je me lève. Tu sens l'eau maintenant qui t'emprisonne, qui te pousse rien faire, hein. Vers le fond. Moi, je peux rien faire quand je suis noie. Non, je veux même pas me noyer. Bah, ça ressemble un peu à ça, non. Et l'air vient à manquer, tu... Tes yeux papillonnent, peinent à demeurer ouverts. Tu vois au travers de la buée la silhouette indistincte de l'aigle qui se penche sur toi, son visage imberbe. Retirez tout, je me noie. Et il tout, porte les mains près de ton cou comme s'il allait t'étrangler. Libère enfin ton casque, l'air revient à toi. Moi j'arrive un peu trop tard. Ouais. Tu entends un peu. Alors que cela coupe ta liaison intercom, tu entends l'artifice qui fait son rapport de position. Ton artifice, ton copilote, il s'est éjecté, il est encore... Il a échappé à la destruction. C'est le seul survivant. Ça doit être le seul survivant. Ton essaimeur est au fond des eaux. Le seul essaimeur qui subsiste, c'est celui de Germaine, qui s'est abîmé non loin de la berge. Il est en fait à quelques pas seulement. Le nez de l'appareil est à quelques pas de la berge. Et il est venu s'encastrer dans celle-ci, au milieu des souches et des hauts fonds. Mais son artifice n'est pas visible à l'arrière du cockpit. Celui-ci est dégagé. Il a sauté probablement dans l'atterrissage forcé. Et ce qui signifie, ainsi que l'absence du siège, qu'il a dû s'éjecter en amont. Et il peut être... n'importe où, à quelques distances de vous. Toi-même, tu t'es éjecté de ton appareil, et ton appareil est abîmé plus loin dans le lac. Il y a encore le fuselage arrière qui pointe pour signaler sa position avant qu'il ne sombre totalement. Okay. Vous n'avez qu'un essaimeur qui soit accessible. Celui que pilotait Germaine 7. Pourquoi pas Germaine? Parce que c'est la septième, c'est son numéro de matricule, de conception. C'est pas un matricule très complet tout cela. La plupart des matricules sont courts puisque ce sont seulement ceux qui ont été éveillés. Ça veut dire que c'est le septième éveil. Et toi, c'est quoi ton matricule là? Moi, c'est 850. Ok. Et toi? Moi, c'est 5. Ok. J'ai pas l'habitude de me lever tôt, mais... J'ai été réveillée par une odeur. Moi, je dors bien, moi. Moi, j'ai été réveillée par une odeur que j'aime bien. Mais il dort mieux que moi. C'est inadmissible. Alors, qu'est-ce qui explique que tu étais aussi fréquemment éveillé? Un dysfonctionnement dans l'habitacle, dans le cocon qui était le tien, Apollinaire? Je ne m'inquiète pas puisque je prie mon Seigneur Jésus-Christ USB. Et que t'apportent tes prières, Apollinaire 850? Il m'informe que je vais je vais effectivement survivre à tous ces périls, et que ce ne sont que des passions numériques pour tester ma foi. Tu serais toi-même un artifice ? Là n'est pas la question. Je ne suis qu'un artisan de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ USB. Autour de vous, ce sont des paysages rendus familiers par les films que contiennent la banque. La banque de savoir du monument de la ruche. Quel était le nom de ces films? Quel était? Je ne sais pas. Les noms. Ils sont autant de noms qu'il y a de films. Ce sont tous les films qui font la richesse de l'humanité. Il reste que à chaque ignition d'un des réacteurs, à chaque accélération, il faut sacrifier à la lumière noire une partie des souvenirs de l'humanité. Et donc à chaque ignition disparaissent une partie des connaissances et du savoir emmagasiné. Chaque activation de l'un des réacteurs à fusion double, implique qu'une partie de ce qui liait le présent au passé a été projetée dans un avenir incertain et confus. C'est le principe d'incertitude qui préside à la navigation dans le mouchi. Votre mission est de déterminer en tant que pionnier une terre qui permettrait aux essaimeurs et aux spoméniques de se poser, enfin, d'interrompre son errance pour que les graines qui demeurent de l'humanité puissent à nouveau prendre racine et l'humanité refleurir. Vous êtes des pionniers. Votre rôle, c'est de déterminer si la planète sur laquelle vous êtes abîmé peut abriter ce qui reste de l'humanité. Mais vous ne savez pas sur quelle planète vous êtes, car à ce stade, les effets de la lumière noire, celle qui préside à l'ignition des moteurs à fusion, est encore présente dans vos corps. Vous avez subi l'accélération lorsque vous avez quitté le monument. Et donc, dans le sillage de l'ignition, surnage des souvenirs du temps jadis qui se mêlent aux vôtres et oblitèrent ce qui fait de vous ce que vous êtes. Chaque pionnier est condamné à être plusieurs. Il n'est pas que son incarnation présente. Il est aussi la somme des incarnations qui se trouvent dans le sillage de la lumière noire qui a été consumée pour l'activation des moteurs. Mais pour le savoir, il nous faut prier le Saint Seigneur Jésus-Christ, USB. Il a tout créé, je suis d'accord. Il est partout, il sait tout. Il est enfoui dans le sol, dans nos chairs, dans nos peurs. Malheureusement, il n'a aucun message à nous délivrer. À l'heure actuelle, il nous faut retrouver notre artifice, sinon nous ne pourrons pas communiquer avec le monument. C'est vrai. Navigatrice, c'est à toi de nous dire comment retrouver ta balise. Bon, cher. Comment pourrait-on le retrouver ? On se sépare pas. Déjà. Mais. Vous voyez, c'est une mauvaise idée de se séparer. Même si ça serait plus rapide, il vaut mieux faire lentement et qu'il n'y ait aucune victime. Ça serait bien. J'ai perdu ma combinaison, je n'ai plus aucune liaison avec le monument. Toi, la tienne a été ruinée par les eaux. Il en est de même pour toi. Mon casque a dû brûler pendant la chute. Le reste est resté sur moi, mais j'ai dû me dégager de cette combinaison pour survivre. Alors peut-être que si on connectait ce qui reste du communicateur de notre navigatrice avec ta combinaison, on pourrait établir une triangulation pour repérer son artifice. Et peut-être aussi envoyer des signes de détresse. Il nous servira à cela. L'artifice est notre seul lien avec le monument. Connecter ta combinaison à la sienne. Oui. Pour établir un pont et permettre une triangulation. Oui. Une triangulation qui est celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus Christ. USB. Parce que vous invoquez ce faisant les dieux du cercle. Mais ce faisant, en établissant la liaison électrique et la communication, vous partagez l'un de ces souvenirs fantômes qui sont dans le sillage de la lumière noire. Quel est-il ? Un souvenir que vous partagez l'un et l'autre. Je précise que là, vous êtes totalement libre. Ce n'est pas nécessairement ancré dans... Vous nous l'évoquez. Vous êtes au moins présents l'un et l'autre. Ça, c'est Germaine et Elinan. Saint Archange de Jésus-Christ. USB. Attends. Voilà. Viens nous compter. Les riches. Je me rappelle. De ces chats, de tous ces petits chats que Moi et Charmaine regardons et caressons. Sacré. Ils étaient très jolis. Ils étaient jolis, leur poil était soyeux et doux sous la main. C'était apaisant. Le ronron des chats permettait de rompre avec l'isolement qui était le vôtre à votre éveil. Même oui. S'ils n'étaient que des chats artifices. En est-il un qui, plus particulièrement, ressurgit à votre esprit? Moi, il me vient un esprit. Un chat. C'est le chat 2.0 586 475 869. C'était 3.0. 2.10, ce sont les très vieilles, très très vieilles versions. Mais encore, les 3.0, elles datent quand même. Mais je me souviens vraiment de ce 3.0. Et tu le vois se faufiler entre vos jambes, se frotter contre vous, en ronronnant mécaniquement, en grésillant quelque peu, au milieu des herbes. Une partie de sa carapace a souffert lors du voyage, mais il est parmi vous. Il est dans le sillage. Il a probablement été altéré, mais il vient placer sa queue terminale, sa queue sacrale, dans l'embase, du terminal de communication de Germaine 7. Et moyennant un grésillement, vous obtenez les coordonnées de l'artifice. Vous voyez apparaître le diagramme qui est projeté devant vous en hologramme tridimensionnel. Une carte schématique qui vous laisse en surimpression l'emplacement signalé par un clignotement phosphorescent de votre artifice. Il se situe à quelques kilomètres seulement, le long d'un artefact, un mur immense, un long mur qui barre l'horizon. Je caresse le 3.0. Et je lui demande, mais je sais qu'il va pas me répondre, s'il veut venir avec nous. Étonnant qu'il réponde. Ça fait plaisir à entendre. Oui, ok. Se redresse, tend sa patte antérieure droite vers toi, qui se met à vibrer et tu sens une vive chaleur inonder ta paume. Est-ce que tu lâches sa patte ou au contraire tu maintiens le contact? J'appuie. Tu appuies et tu sens dans ta main des légers picotements qui forment comme un octogone avec des points ancrés. Des couleurs arc-en-ciel qui viennent octogone se règle qui viennent envahir ta vision. Tu sens une vibration qui vient parasiter tes perceptions par ailleurs. J'ai vu des ombres. Tu... C'est une gêne. Je vois plein de 900. C'est une overdose. Il est vraiment bourré. Tu parles le scarabée. Oula. Ok, je ne touche pas à ce chat. C'est grâce à Jésus-Christ USB qu'il sait parler le scarabée. Le scarabée USB. USB, c'est tout. Il t'apprend tous les langages, toutes les connaissances, toutes les sommes dialectiques, tout. Dans lui et sa voix. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ USB est notre bon Dieu. Je vais prendre une photo de